force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Mon frère, pourquoi te mets-tu en colère ces derniers temps au point où tu n'arrives même plus à parler à ta femme, au point où tu n'arrives même plus à prier? La colère des hommes n'accomplit pas la justice de Dieu. Est-ce que tu sais que lorsque tu laisses la colère te dominer pendant longtemps, ça donne l'avantage à l'ennemi? Humilie-toi et pardonne, et puis reprends la vie des prières. Tu ne vois pas que ta santé commence à être entamée et qu'il y a des blocages au niveau même de tes affaires? Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin, réveille ta femme, réveille ton mari. Nous sommes à OSB, opération sous la brèche. Juges chapitre 6, 1 à 10. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Nous allons lire notre texte du jour, Juges 6, 1 à 10. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. La main des Madians fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans des cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour les ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison des servitudes. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous. Et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Amen. » Nous allons partager trois grandes vérités tirées de ce texte. Première vérité, c'est les caractéristiques de l'esprit de Madianite. Il y a un esprit derrière Madian. Vous voyez ? La Bible nous montre ici que les Madianites étaient un peuple ennemi à Israël. Israël a désobéi à l'Éternel et Dieu les a livrés entre les mains des Madians. Et l'esprit des Madianites continue à faire des ravages aujourd'hui dans la vie de beaucoup de gens, même dans la vie des chrétiens. Écoute-moi bien. Regarde ton commerce. Tu es tombé en panne. Chaque fois que tu entreprends quelque chose, ça n'avance pas. Dès que tu commences quelque chose, dès que ça commence à prendre et puis paf, on vient de te voler, soit on vient de te chasser du magasin même. Quand les clients commencent à venir, on te chasse. Chaque fois, tu reprends les choses à zéro. Chaque fois que tu entreprends quelque chose, il y a toujours quelque chose qui vient pour détruire. Tout l'argent que tu gagnes là, depuis que tu as commencé les affaires, il y a l'enfant qui est tombé malade et puis tout est fini au niveau des soins médicaux. Est-ce que tu trouves ça normal? Chaque fois que tu commences quelque chose, ça n'évolue pas. Ça, c'est un signe de ce qu'on appelle ici l'esprit des Madianites. Parce que, qu'est-ce que l'esprit des Madianites fait? Il y a trois choses ici. Premièrement, c'est un esprit qui vient pour détruire toutes les semences. C'est-à-dire, dès que tu entreprends quelque chose, dès que tu sèmes quelque chose, l'esprit des Madianites vient pour tout détruire. Il est dit ici, au verset 3, « Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les filles de l'Orient. » Il marchait contre lui, verset 4, il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laisser en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. C'est un esprit qui vient tellement pour détruire qu'il ne laisse rien. Regardez, mon ami. Ce même esprit vient pour détruire ton travail. Tu as perdu ton travail. Tu as commencé à faire le commerce et puis, brusquement, tout est tombé en panne. Tu es tombé en faillite. Tu as acheté une voiture. Cet esprit-là vient même attaquer. Ta voiture a fait accident. Vous voyez, tout ce que tu fais, ça vient pour détruire. Parce que c'est-à-dire, on veut te dépouiller. On ne veut même pas te laisser, même quoi que ce soit. Tout ce que tu avais, c'est un esprit, l'esprit de Madianite. Il vient tout détruire, même tes habits, regarde, même les beaux habits que tu avais, les habits que tu portes au niveau des fêtes, il y a toujours un problème, soit tu es parti au pressing, ça a gâté, ça s'est décoloré, il y a des problèmes, les souris sont venus, ils ont commencé à bouffer tes habits, et puis ça c'est un esprit qui, ce n'est pas un bon esprit, il faut prier pour que cela soit chassé, pour que tu sois libéré de cet esprit. Deuxièmement, l'esprit de Madianite, il vient pour ravager, c'est-à-dire que pour détruire. Ça représente, ça incarne ce que la Bible nous dit dans Jean 10, 10. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger, pour détruire. Lorsque cet esprit s'infiltre dans ta maison là, il va tout ravager. Il va ravager même la nourriture. Il va ravager même tes effets électroménagers. Regarde, le frigo peut tomber en panne, le congélateur, le fer à repasser. Ça vient pour ravager. Il y a certaines choses que nous devons voir avec un œil spirituel et commencer à prier pour que ça s'arrête. Troisièmement, c'est cet esprit qui est à la base de nos malheurs et parfois même de notre misère. Il est dit au verset 5, « Car ils montaient avec des troupeaux et leurs tentes, ils avaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, ils venaient dans le pays pour les ravager. » Et le verset 6 renchérit en disant, « Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. » Vous voyez, parfois notre misère, notre pauvreté, vient de l'ennemi, vient d'un esprit qui nous rend malheureux, qui nous rend misérables, qui vient te dépouiller. Oh, tu étais élevé, tu étais béni, tout l'argent est parti. Regarde, ma soeur, l'argent que tu avais en compte bancaire, tu avais plus de 10 000 dollars. Mais tu ne comprends pas comment dans moins de 2 mois, tout l'argent est parti. Tu avais plus de 2 millions dans ton compte bancaire. L'esprit de Madianite a tout dévoré. On dit Israël fut malheureux à cause de Madian. Quelle est la base de tes malheurs aujourd'hui? Prie pour que Dieu te révèle cet esprit-là de Madianite qui a créé tes malheurs pour que tu sois délivré. Deuxième vérité, nous devons crier à l'Éternel pour qu'il nous délivre de l'esprit de Madian. La solution, ce n'est pas d'aller voir le marabout. Je vais parler à quelqu'un, écoute-moi bien. Déjà, on t'a chassé de ton travail, tu as perdu ton poste. Et maintenant, au lieu de se tourner vers Dieu, il y a un ami qui te conseille d'entrer dans une loge mystique. Mon ami, fais attention, j'aimerais t'avertir. C'est pour aggraver ta situation parce que le diable veut maintenant détruire ta vie, veut te conduire à la mort. La solution, c'est de venir maintenant à Christ, c'est de te repentir. Les enfants d'Israël, ils ont crié à l'Éternel, ils ont compris que leur malheur venait de la désobéissance et qu'il fallait qu'ils reviennent à Dieu. Il faut crier à l'Éternel. La Bible dit, lorsque le juste crie, l'Éternel entend, il les sauve de toutes ses détresses. Les problèmes de santé que tu connais, tu es parti voir les médecins, on te donne toujours des rendez-vous, toujours des examens. Regarde, vous avez dépensé beaucoup d'argent. Revenez à Dieu, arrêtez un peu votre course. Tournez-vous vers Dieu, vous commencez à tâtonner. Celui-là vous dit ceci, celui-là dit, il faut aller voir tel médecin, tel polyclinique. Mais vous ne voyez pas de changement. Tournez-vous maintenant vers Jésus de Nazareth, le médecin des médecins. Il est capable de vous guérir. Il est capable d'arrêter votre situation. C'est lui. On dit, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya un prophète. Vous voyez, Dieu peut envoyer une réponse. Il peut envoyer un serviteur de Dieu pour vous donner une réponse. Il peut intervenir pour vous libérer. La Bible nous dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Troisième vérité, il y a 2 reproches que le Seigneur fait à son peuple. Et ces 2 reproches, il nous fait aussi, il nous les fait aussi aujourd'hui. C'est le manque de reconnaissance et deuxièmement, la désobéissance à sa parole. Souvent, nous oublions d'où Dieu nous a tirés, mon ami. Souviens-toi de ce que Dieu a fait. Il t'a délivré. Regardez, tu as vécu des moments difficiles. Tu étais combattu depuis que tu étais jeune, mais le Seigneur t'a préservé. Tu as fait même un accident mortel, mais Dieu t'a préservé. Tes ennemis, ils ont planifié la mort, mais Dieu, de manière surnaturelle, t'a tiré de là. Et comment un tel Dieu, tu peux t'écarter de lui? Tu peux oublier ce qu'il a fait? Dieu t'a élevé. Regarde comment Dieu t'a donné du papier. Regarde comment tu as eu le visa. Regarde comment tu as été embauché à un poste élevé qui était convoité. Mais lorsque Dieu t'a béni, tu as oublié son œuvre. Tu as utilisé ton argent pour autre chose au lieu de soutenir l'œuvre de Dieu. Regardez le message que le prophète a envoyé aux enfants d'Israël. Verset 8. L'Éternel a envoyé un prophète aux enfants d'Israël. Et leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Nous devons nous rappeler souvent de comment Dieu nous a tirés de notre Égypte qui représente le monde. Quand nous étions des esclaves du péché, des esclaves de Satan, il nous a tirés de là. Il dit au verset 9, je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Vous voyez, la terre promise peut représenter le mari que Dieu t'a donné, la femme que Dieu t'a donné, les enfants. Mais tout ça, tu oublies. Et il dit au verset 10, je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point le Dieu des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Vous voyez, c'est ça la désobéissance. Il dit, vous n'avez point écouté ma voix. Ma sœur, Dieu t'a dit, il ne faut pas t'allier avec cette dame-là dans les affaires. Parce que cette femme n'est pas claire, mais tu l'as prise comme associée, tu vois. C'est à cause de cette désobéissance que ton commerce est tombé par terre. Parce que la Bible nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Lorsque tu choisis une mauvaise compagnie, ça peut t'entraîner loin de Dieu. Ça peut être l'objet de tes malheurs. Au lieu de chercher les conseils dans la parole de Dieu, chez les serviteurs de Dieu, chez les gens qui craignent l'Éternel, toi tu t'es associé avec des gens qui ne craignent pas le Seigneur. Vous voyez, ça peut être la base de nos malheurs. C'est ce qui attire parfois l'esprit des Madianites qui a eu les dessus sur toi. Et quand tu te rends compte que tu as désobéi, il faut te repentir pour revenir à l'Éternel. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer, nous allons le bénir en chantant d'abord ces cantiques. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus. La victoire est certaine par le sang de l'agneau. Maladie, arrête-toi, au nom de Jésus. La victoire est certaine par le sang de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus. La victoire est certaine par le sang de l'agneau. Chômage, arrête-toi, au nom de Jésus. La victoire est certaine par le sang de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Célibat, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Stérilité, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, La victoire est certaine par le sang de l'agneau. Démons, arrête-toi, au nom de Jésus. La victoire est certaine par le sang de l'agneau. Malédiction, arrête-toi, au nom de Jésus. La victoire est certaine par le sang de l'agneau. Démons, arrête-toi, au nom de Jésus. La victoire est certaine par le sang de l'agneau. Maladie, arrête-toi, au nom de Jésus. La victoire est certaine par le sang de l'agneau. Démons, arrête-toi, au nom de Jésus. La victoire est certaine par le sang de l'agneau. Célibat, arrête-toi, au nom de Jésus. La victoire est certaine par le sang de l'agneau. Démons, arrête-toi, au nom de Jésus. La victoire est certaine par le sang de l'agneau. Stérilité, arrête-toi, au nom de Jésus. La victoire est certaine par le sang de l'agneau. Démons, arrête-toi, au nom de Jésus. La victoire est certaine par le sang de l'agneau. Alléluia. Glorifions le nom du Seigneur. Disons-lui merci. C'est Dieu qui nous aime. C'est lui qui nous parle. Souviens-toi d'où il t'a tiré et bénis son saint nom. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais toi, notre Dieu, tu es le Dieu des délivrances. Oui, ta parole nous dit que Jésus a paru dans ce monde pour détruire les œuvres du diable. Oui, tu es celui qui détruit les œuvres du diable dans nos vies. Tu es le Dieu de notre salut, tu nous pardonnes, tu nous délivres, tu nous restaures et tu nous élèves. Oh, c'est pourquoi nous te bénissons pour cela. Nous te glorifions, toi le Dieu de notre salut, toi le Dieu plein d'amour, le Dieu compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Oh, que l'honneur te revienne, notre Seigneur, notre Dieu, toi le Dieu incomparable, le seul vrai Dieu. Tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es celui qui a pardonné et qui continue à pardonner encore aujourd'hui. Quel honneur te revient, notre Seigneur et notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Juges chapitre 6, 1 à 10 est le passage du jour dans le cadre de notre émission de prière OSB, opération sur la brèche. Nous venons de voir dans ce passage comment l'esprit des Madianites agit. Un esprit qui vient pour tout détruire, pour tout ravager quand nous faisons quelque chose. Il vient détruire notre santé, notre commerce, notre travail, notre projet. Il vient pour tout ravager. Il est à la base de notre malheur, de notre pauvreté. Tu vas prier le Seigneur pour dire, Seigneur, libère-moi de cet esprit de Madianite. Tu vas combattre cet esprit qui s'éloigne, loin de ta vie, loin de tout ce que tu fais. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière, opération. Très excellent Père, éternel des armées, toi qui exerces mes mains au combat et mes doigts à la bataille, je me tourne vers toi ce matin et je demande au Père, défends-moi contre mes adversaires, abats ceux qui me combattent, saisis le grand et le petit bouclier, lève-toi pour me secourir. Je prie ce matin, ô Père éternel, contre tout esprit de madianite, toute forme de sabotage dirigée par l'ennemi, contre ma vie, contre ma destinée, contre ma famille, contre mon ministère. Je prie dans le nom puissant de Jésus. Et je me tourne vers toi, ô Père éternel. Je demande ton secours. Je prends autorité au nom de ton Fils Jésus-Christ contre toute forme de sabotage, sabotage dans nos communautés, sabotage dans nos foyers, sabotage dans la vie de nos enfants. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tout esprit de madianite ayant tendance à compromettre tout ce que les enfants de Dieu font, tout esprit de madianite est lié au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, lève-toi et que tous ces esprits qui nous combattent soient dispersés. Que tous nos adversaires, tous nos ennemis soient dispersés dans le nom de Jésus-Christ. Ne permets pas que nos adversaires se moquent de nous. Ne permets pas que ceux qui sont contre nous lèvent la main et prévalent sur nous. Nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que tout esprit madianique est vaincu. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Oui. Nous venons de voir que nous devons crier à l'Éternel et non pas aller voir les féticheurs, les marabouts, non pas aller nous confier aux hommes. Prions le Seigneur afin qu'il nous aide à nous tourner vers lui, à crier vers lui. Prions pour tous ceux qui vivent des moments difficiles, des frères en Christ, des sœurs en Christ, même des serviteurs de Dieu, afin que Dieu le soutienne, qu'il se tourne vers Dieu. Et s'il y a des gens qui commencent à retourner dans le monde, que le Seigneur les ramène vers lui. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Bénissons ton nom parce que tu n'as jamais changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es le Dieu immanent, le Dieu transcendant, le Dieu omnipotent, omniprésent, omniscient, le Dieu véritable, le Dieu qui dit et la chose arrive. Louange à toi ce matin. Ta parole fortifie, ton esprit nous accompagne. Seigneur, à cause des situations de la vie, le manque d'argent, ô Seigneur, la maladie, les dettes, le ministère qui n'évolue pas, les enfants qu'il faut scolariser, la maison à payer, il y a ceux de dépenses. Et quand nous constatons qu'il n'y a plus assez d'argent, Seigneur, on se pose beaucoup de questions, on désespère et on veut rapidement avoir les moyens. Et cela nous amène quelquefois, ô Seigneur, aller voir les marabouts, aller voir les devins, aller voir les mystiques, aller voir des personnes peu recommandables pour pouvoir nous aider à nous enrichir rapidement. Nous voulons te prier ce matin. Il y en a assez parmi nous qui ont dévié, qui ont même apostasié, qui ont renoncé à la foi, qui, notre Dieu, notre Père, qui sont devenus des rétrogrades. Seigneur, nous te les apportons ce matin, que ce soit des serviteurs de Dieu, des hommes, des femmes, tous ceux qui se sont engagés pour toi, pour ton œuvre, à revenir à toi, Seigneur. Soutiens-les, ramène-les par ton esprit au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous voyons que Dieu nous fait des reproches lorsque nous oublions ce qu'il a fait pour nous. Il nous reproche notre manque de reconnaissance. Il nous reproche notre désobéissance. Chacun de nous va essayer de s'examiner pour voir là où Dieu l'a tiré. Pour commencer à lui dire merci Seigneur, c'est toi qui m'as délivré de telle situation, de telle situation. Mais j'ai été infidèle envers toi. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon pour toute désobéissance. Et demande au Seigneur de te rétablir, de te rétablir, de te restituer tout ce que les Madianites ont pris dans ta vie. Il est capable de te restituer au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Je chanterai ta bonté, je louerai ta justice, car toi seul tu es Dieu. Je prendrai, oui, des ailes à toi, sur ta parole, sur tes promesses. Chaque jour, tu nous envoies une alliance. L'alliance de ta parole nous conduit. Et ce matin, nous venons à toi, parce que par ta grâce, nous nous levons, nous voyons, nous pouvons parler, nous pouvons nous mouvoir. Toutes ces choses sont faites par ton amour à notre égard. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous, nous sommes rebelles, nous sommes méchants, nous sommes, oh Dieu, infidèles. Nous ne sommes pas des hommes et des femmes qui écoutent ta parole et la mettent en pratique. Nous commettons encore aujourd'hui l'impudicité, l'adultère. Nous sommes infidèles dans les dîmes et dans les offrandes. Nous sommes remplis d'orgueil. Nous sommes, oh Dieu, des enfants rebelles et l'ennemi nous touche, nous envoie les maladies et les Madianites en possession de nos vies. Ce matin, je viens à toi, je te recommande mon frère et ma sœur, aie pitié de nous, sanctifie-nous, accorde-nous un esprit nouveau, donne-nous Seigneur de changer comportement de vie, de redédier notre vie à toi, pour marcher en nouveauté de vie, pour vivre une vie sainte, une vie juste, une vie agréable, pour que ton esprit se manifeste de gloire en gloire, de grâce en grâce, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons que nous avons notre rendez-vous bonheur conjugal pour les célibataires, ce dimanche 29 mai. Au lieu habituel, c'est-à-dire au CPE, Cocody Cité des Arts. Oui, toi dont le mariage est bloqué, ça fait longtemps que tu attends le mariage. Viens à cette rencontre. Nous allons prier de manière spéciale pour que les barrières qui t'empêchent d'entrer dans le mariage soient brisées, pour que tu expérimentes la victoire par la persévérance. L'entrée est libre. Il y aura deux services. Premier service à 16h, deuxième service à 18h. Que Dieu vous bénisse, c'était OSB. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à demain. La puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur.